D'après un mec pas mante quitté, surtout la gagne une femme qui jaloux. La belle est fille ou à bête tout en terre, quoi qu'on bébé quand t'étais. D'après un mec pas mante quitté, surtout la gagne une femme qui jaloux. La belle est fille ou à bête tout en terre, quoi qu'on bébé quand t'étais. Capital, faut qu'on te caresse. T'en sortis les soirs, faut pas miser toi. Il va dormir la paix surveillée. Il connaît pas petit quand t'allais tout. Faut pas capital, faut qu'on te caresse. T'en sortis les soirs, faut pas miser toi. Il va dormir la paix surveillée. Il connaît pas petit quand t'allais tout. Comme jalouse, pas jambra. Oh, pas jambra. Comme jalouse, pas jambra. Comme jalouse ma jambra, tête ouverte. Comme jalouse ma jambra, oh ma jambra. Comme jalouse ma jambra. Thank you.